Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Figure de notre région, la 140e. Aujourd'hui, non pas un, mais deux invités. En fait, c'est un couple bien connu en pays belgardien. Il s'appelle Nicole, elle s'appelle Nicole et lui c'est Guy, Nicole et Guy Cerda, deux retraités de la SNCF et qui aujourd'hui ne passent pas leur temps à jouer à la belote, mais plus à s'occuper des autres. Comment ? Eh bien, en donnant de leur temps, le couple est investi dans pas moins de 5 associations, un agenda épais comme un dictionnaire. Ils donnent de leur temps et avec le cœur. Leur credo, c'est la relation humaine. Et la vie, il faut la prendre comme elle vient. Il faut être heureux de peu, profiter de chaque seconde que nous donne la vie. S'émerveiller d'une belle journée, d'un sourire, d'un bonjour. Ils sont comme ça, Nicole et Guy Cerda. Ils prennent la vie à bras le corps. Pourquoi un tel état d'esprit ? Bien précisément parce que la vie ne leur a pas toujours fait de cadeaux. Ils sont là et nous sommes vraiment très heureux de les avoir avec nous pour cette émission figure de notre région, la 140e. Mais sans transition, je donne la parole au président de la radio et néanmoins ami, Guy Catelan. Merci Robert. C'est pas fini Nicole, hein. C'est pas fini Guy, hein. Ça vient de commencer là. Alors, vous abandonnez au vestiaire votre trac, hein, vos émotions. Surtout, vous ne pleurez pas parce que ça se voit pas à la radio, donc ça sert à rien. Hein, on est bien d'accord ? Donc vous restez tranquille et puis vous verrez, hein, il n'y a pas de souci, ça va se dérouler tout seul. Nicole et Guy, une histoire d'amour qui commence en 1994 en gare de Bellegarde, où vous, Nicole, étiez employé à l'agence en douane et vous, Guy, affecté au service voie et bâtiment à la SNCF, une des trois entités de la SNCF qui comprenait entre autres la traction et l'exploitation. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais c'est pas le cas, hein. Car bien que né à Pondin le 13 octobre 1945, pour vous, Nicole, et le 4 janvier 1946 à Narbonne, pour vous, Guy, vos destins se rencontrent à Bellegarde. Votre parcours scolaire respectif se déroule pour vous, Nicole, au collège Louis Dumont à Bellegarde, où vous obtenez un brevet de sténodactylo à l'issue de vos études. Au collège de Narbonne, pour vous, Guy, où vous obtenez le brevet d'enseignement industriel, branche électricité. Parcours professionnel donc différent, mais au sein d'une même société, la SNCF. Bien que votre père ait été receveur principal des postes à Bellegarde, vous choisissez une autre voie, Nicole. C'est également le cas pour vous, Guy. Vos parents, gérants d'un magasin d'alimentation à Narbonne, ne vous ont pas inspiré pour la succession. Vous choisissez votre indépendance professionnelle. Après un concours réussi à la SNCF, vous êtes muté à Chambéry en 1966. Et c'est après votre service militaire que vous êtes embauché à Bellegarde en 1969. Pour vous, Nicole, ça a été un peu plus compliqué. Eh oui, votre papa vous a proposé un certain nombre d'emplois que vous n'avez jamais acceptés. Bah oui, sauf à la poste, heureusement. Vous nous dites. Et finalement, c'est à la SNCF que vous ferez toute votre carrière professionnelle. Votre rencontre à la SNCF se transforme en mariage. Un 4 janvier 1997, précisément le jour de l'anniversaire de Guy. Le cadeau de cette histoire d'amour, c'était vous, Nicole. Eh oui, pour vous, Guy, c'était le plus beau cadeau. Au terme de votre vie professionnelle, vous avez choisi de finir ensemble, et ce sont 250 personnes qui vous témoigneront leur affection et vous accompagnent lors de cette fin de carrière en 2000. Et 120 au repas. Eh oui, ils étaient quand même 120 au repas pour vous dire un bel au revoir. Votre vie, Nicole, vous la partagez avec le club de basket sous la houlette de Jean Marinet et Josiane Fiorenzano. Au sein d'une équipe d'amis où vous trouverez votre place. Avec Josiane Fiorenzano, l'équipe a été championne du Lyonnais et de l'Ain. Vous avez également entraîné une équipe de scolaires. Vous êtes initié au judo, puis au rugby. Alors là, il y a des anecdotes, mais on n'en parlera pas tout de suite. Mais suite à des ennuis de santé, vous arrêtez tous ces engagements, bien que cela vous affecte énormément. En 1967, vous participez à un concours. La fée du logis. La fée du logis à Bourg-en-Bresse, Cerise sur le gâteau, vous finissez première au classement général et vous obtenez le prix spécial de 100 francs de l'époque. Ouh ! Il y en a qui vous cherchaient. Je suis sûr que Guy vous a pris rien que pour ça, hein, parce que vous aviez 100 balles à dépenser. Non, c'est une boutade. Vous, Guy, à votre arrivée à Bellegarde, c'est au foyer des jeunes travailleurs que vous trouverez une bande de copains qui vous permettent de bien vous intégrer dans la cité bellegardienne. Vous avez pratiqué le judo et avez acquis la ceinture bleue. Eh oui, eh oui. Vous êtes tous deux engagés dans différentes associations bellegardiennes où vous partagez des moments privilégiés d'amitié avec les classes en 5, les amis des lapidaires, les anciens des VB. C'est une branche de la SNCF, les donneurs de sang et les décorés du travail. Mais pour vous, Nicole, c'est le bénévolat tout particulier auquel vous vous êtes attaché. C'est le don de soi au sein de l'EHPAD de Saint-Vincent et de la MARPA Les Carlines à Champfromier, où vous êtes animatrice. Votre temps libre, à tous les deux, c'est donc en compagnie de Guy que vous l'occupez, en apportant aux autres ce dont seul un engagement de solidarité peut apporter. Des moments privilégiés que les personnes des EHPAD attendent avec un certain soulagement. Pour ce que vous faites et pour le bonheur que vous apportez dans ces maisons de retraite, vous n'attendez rien à retour. Pardon, si, vous attendez un retour. Le bonheur de voir la joie de toutes celles et de tous ceux qui par votre présence et votre engagement, apportent un simple sourire. Et ben. Non, retracez un peu. Non, pleurez pas tout de suite. Oh là là. Approchez-vous un petit peu, sinon on ne va pas vous entendre, Nicole. Alors voilà, est-ce qu'on a retracé, comme vous le souhaitez, un peu votre... Allez. Très bien, bien résumé. C'est bien résumé. Approchez-vous. C'est très bien résumé. Voilà, donc le débat est ouvert, hein, Robert. Hein. Les hostilités aussi, ouais. Alors, par quoi on commence? Alors, vous avez parlé de... ma situation professionnelle, oui. Que mon papa m'avait proposé plusieurs emplois. Alors, je veux dire, mon père, un jour, rentre du travail et me dit, je t'ai trouvé une place à... Johnsonville. À Johnsonville, là où on faisait les adhésifs. Et il faut que tu y ailles cet après-midi. Oui, papa. On obéissait aux parents. Hein. Ah oui, c'était une époque. Hein. C'était une époque à 18 ans. Pas 18 ans, on obéissait aux parents. J'y suis allée. Et là, il fallait que je commence le 1er juillet. Donc, j'avais un camp en Autriche du 18 juillet au 5 août. Donc, ce n'était pas possible. Papa est rentré à midi et il me dit. Alors, je lui dis, oui, papa. Ça s'est très bien passé, mais tu sais que j'ai un camp en Autriche du 18 juillet au 5 août et le poste était à prendre au 1er juillet. J'ai donc refusé ce poste. Vous devinez aisément la suite pendant tout le repas. Je me suis fait toute petite, les yeux rivés sur mon assiette. 8 jours après, le directeur, M. Goyer, a vu mon père et m'a dit « Il y a une place chez Bertolus ». Même scénario, je me pointe, le poste était libre le 1er juillet. Donc, même baratin, papa commençait à faire vraiment la tête. Il remonte quelques temps après, il me dit, j'ai vu le chef de gare, il y a une place en gare, tu y vas. Mais tu n'y vas pas toute seule, je t'accompagne. J'ai dit là, c'est perdu d'avance. Alors, il y avait le chef de gare, mon père et moi. Et le chef de gare, il dit, j'ai besoin d'une dame pour remplacer une dame qui part en congé de maternité. Il faudrait commencer le 1er août. Ouh là, ça allait déjà mieux. Et sans regarder mon père, j'ai dit, mais j'ai un cas en Autriche, je rentre le 5. Et le chef de gare m'a dit, eh bien, vous commencerez le 6. Ouf, alors, si je n'avais pas eu mon camp en Autriche, je ne serais jamais rentré à la SNCF, mais là, j'ai choisi la bonne voie. Et oui, la bonne voie dans tous les sens. Ouh là là, ça c'est bien trouvé, ça. Vous voyez, ça c'est bien trouvé, ça, Nicole. La bonne voie. Eh oui. Et là, vous êtes tombé sur le spécimen qui vous accompagne depuis un certain nombre d'années. Mon père, qui était un homme, comment on l'appelait, Monsieur Bonnefoy de la Poste, un homme respectable et respecté, autoritaire mais juste et très sensible, je pense qu'il n'a pas dû toujours être content de mes réactions. Mais, excuse-moi, papa. Mais en même temps, c'était aussi une façon d'affirmer votre liberté, en quelque sorte. Vous avez quand même le droit de choisir, me semble-t-il, même à 18 ans. Même à 18... Encore qu'à l'époque, c'était pas la majorité. La majorité était à 21. Et la majorité était à 21. Ouais. Donc, et on obéissait aux parents encore à cette époque. Heureusement, mais aujourd'hui aussi. Un peu moins. Je pense que je faisais partie un peu des rebelles. Oh, les rebelles, vous savez, on est tous quelque part un peu rebelles. Hein. Ouais. Mais bon, il faut faire avec. Et puis bon, c'était pas les mêmes temps. Hein. On revient souvent sur ce temps. Hein. Nous qui avons un peu vécu, on se dit toujours que c'était mieux avant. On dit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais disons qu'on quittait une place le soir, oui, le lendemain matin. C'est vrai. C'était pas la même période. Donc on vivait une période très chanceuse. On était heureux. Mais on l'est toujours heureux. La preuve, c'est qu'on est toujours heureux, mais on avait du travail ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était pas la même époque. Bon, allez, on a planté le décor. Hein, ça y est, on y est. Nicole a dit quelques mots donc sur sa vie professionnelle. Maintenant, on va écouter notre ami Guy. Oh, il a fait un speech aussi. Pardon. Il a fait aussi un speech. Ah oui, ils ont fait une affiche chacun là. Oh. Et parce qu'ils avaient peur. Je crois, on en a parlé un peu avec Robert ce matin, hein, je crois que vous avez dû dormir à la radio, hein, pour être sur place de très très bonne heure le matin, de façon à vous imprégner de cette atmosphère qui est si agréable à la radio, hein, oui. On est bien d'accord, hein. Merci pour les croissants, ah ouais, merci. Hein. Allez, Guitou. Tout d'abord, pour commencer... Avec mon accent, bon, mais je ne suis pas de Bellegarde. Alors, Guy, on n'avait pas du tout remarqué ça. Mais... Pardon, on ne va pas faire comme Mélenchon. Hein. On ne va pas te le reprocher. Non, mais je suis de l'Aude, Narbonne, Carcassonne. Et j'ai beaucoup d'émotions quand je pense aux inondations qu'il y a eu dans des coins que je connais particulièrement. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et ça peut se comprendre. Voilà, ma maman a subi des inondations en 1999, je vous ai montré quelques photos, et c'est très émouvant d'en parler. Hier encore, à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, on faisait voir la plage de Saint-Pierre-sur-la-Mer et l'embouchure de l'Aude qui était très encombrée de détritus divers. Et je crois qu'il y a pas mal de gens de Bellegarde qui passent leurs vacances dans le coin. Mmh. Et qui savent de quoi je parle. Voilà, après, ma foi, sachant que dans le Midi, il n'y avait pas de boulot, j'ai fait partie des bataillons de gens du Midi qui ont plus ou moins fait marcher l'administration française. C'est-à-dire que, dans une grande majorité, on allait à la SNCF, à l'EDF, à la Poste, à la Douane, à la Police. Et ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé sur Bellegarde, c'est de voir que les gens quittaient un boulot le soir et en trouvaient un autre le lendemain. Alors que moi, j'avais fait 600 km pour en trouver un. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et puis après, ma foi, le coin m'a plu. J'ai bien aimé Mantières, j'ai bien aimé le retour... Le lac Genin, le lac de Nantua, les balades en forêt. Bien que je ne sois pas sportif du tout, ce sont des coins que j'ai fait en voiture, mais j'ai adoré ça. Les pertes de la Valserine, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous ne regrettez pas une seconde, quand je dis regret, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous êtes du Midi. Vous y pensez forcément de temps en temps. Ah ben bien sûr. En dehors, bien sûr, des catastrophes que vous avez évoquées. Oui, oui, mais j'y pense, mais comme quelque chose du passé. C'est fait, j'y suis plus. Bon, si, quand il y a du vent à Bellegarde, j'adore être dans le vent. Je me mets dans le sens du vent, ça me rappelle ma jeunesse et tout. Mais autrement, non, je suis à Bellegarde et je suis bien. Mais quelque part, vous n'avez pas... Parce qu'on le dit souvent, hein, on revient toujours sur la terre où on est né à une époque. Bon, alors, on parle de pays étrangers. Hein, dans ce cas-là, on parle de pays étrangers. C'est vrai que là, vous êtes à Bellegarde, vous êtes en France, l'Aude est en France, hein, donc vous êtes bien sur votre terre. Mais quand même, vous avez vécu quand même toute votre enfance, votre jeunesse, une partie de votre jeunesse quand même. Jusqu'à 20 ans. Il y a pas des choses, il y a des choses qu'on peut pas oublier quand même. Ah oui, les relations et tout, les amitiés. Mais maintenant, je vis ailleurs et puis je connais du monde à Bellegarde. Ouais, puis j'ai compris. Vous avez Nicole. Non, mais j'ai compris. Je suis content d'être ici. Suis content d'être ici et comme disent beaucoup de Bellegardiens, quand je vais dans le Midi, ben, je suis content de voir quand je vois les montagnes du Sorgien. Bien sûr. Ça me fait plaisir. Je me sens chez moi. Vous avez passé une drôle de carrière à Bellegarde. Enfin, quand je dis une drôle de carrière, une carrière à la SNCF à Bellegarde. C'était pas forcément rigolo tous les jours, quoi. C'était une espèce de train-train, et le mot est bien choisi, train-train quotidien, quoi. Oh, pas tellement, non, parce que j'avais un travail assez spécial, puisque, étant électricien, je m'occupais beaucoup de passages à niveau. Et donc, j'ai vu pas mal de petites anecdotes de passage à niveau. J'étais souvent d'astreinte, j'y allais le dimanche, souvent quand il pleuvait ou quand il y avait la neige. Quand les gens étaient bien à l'abri, eh ben, moi, j'étais au boulot. Si vous me permettez une petite remarque, Guy, avec toute l'estime que je vous porte à la SNCF, on dit souvent qu'à la SNCF, et vous nous aviez confié pendant la préparation de cette émission, vous nous avez confié que vous étiez, en fait, vous travailliez à deux, hein, en binôme sur ces voies. Est-ce qu'il y en avait un qui regardait travailler l'autre ou est-ce que vous travaillez c'est ce que je réponds à tous les gens qui me font la remarque. Je dis, ben, il fallait y venir au chemin de fer. Il paraît que c'était bien payé et tout, mais pourquoi vous êtes resté? Pourquoi vous allez travailler à Genève? Il fallait rester c'est au chemin une bonne de fer. Réponse. C'est une bonne réponse qui résume bien des choses. Ouais. Oui, c'est vrai. Votre enfance, vous l'avez passée comment? Moi, j'aimerais quand même savoir un tout petit peu de choses sur votre enfance. Jusqu'à 20 ans, vous avez habité Narbonne. Fleury-d'Aude, s'appelle. Voilà. C'est-à-dire, c'est une commune qui a deux stations balnéaires qui font partie de la commune. Il y a Saint-Pierre-la-Mer et les cabanes de Fleury. Et puis, ben, de la maternelle jusqu'à la terminale, on a été une bande de copains et de copines où on a fait plus ou moins la fête. Et c'était une période formidable. Aussi formidable que l'année que j'ai passée au foyer des jeunes travailleurs à Bellegarde. Où là aussi, il n'y avait aucun bellegardien. Mais c'était rien que des gens qui travaillaient qui venaient de toute la région. Aussi bien du pays de Gex que du Midi ou d'ailleurs. Et il y avait des enseignants, il y avait des gens qui travaillaient dans les usines. Et c'était une année formidable, cette année 69. Même si ça a une connotation un petit peu spéciale, mais c'était vraiment une année extraordinaire. Nicole, quel souvenir vous avez de la rencontre que vous avez eue avec Guy? Vous étiez à la SNCF. À l'époque, me semble-t-il, si mes souvenirs sont exacts, on parlait de 700 à 800 personnes à la SNCF. En 1963, quand je suis rentré. Voilà, à cette époque-là, oui. À l'époque où on s'est connus, on était déjà nettement moins nombreux. Beaucoup moins. Mais quand je suis rentré, oui, on était à peu près dans les 400 où je travaillais. À l'exploitation. Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'exploitation, c'est bien ce qu'on avait dit, il y avait trois entités à la SNCF, l'attraction, l'exploitation et les voies et bâtiments. Oui. Donc, trois entités qui faisaient partie de la SNCF, mais dont la gestion était tout à fait différente. Oui, oui. Et nous, dans le bureau, on était une cinquantaine. Ah oui. Vous faisiez quoi, Nicole? Je suis rentrée à l'agence en douane comme dactylo. Et après, on passe des examens, on peut être déclarante en douane. J'étais déclarante en douane avant de partir à l'équipement. Et où j'ai connu Guy. Ça consistait en quoi d'être déclarant en douane? Ben, déclarer toutes les marchandises qui venaient de toute la France, qui partaient en Suisse. Donc c'est un contrôle, marchandises en fait. De l'étranger qui venaient en France. C'était un contrôle alors? C'était des déclarations en douane qu'on établissait et qu'on descendait aux douaniers. Et puis les douaniers, ils ouvraient les cartons des fois, non? Ça leur arrivait. Puis nous, on pouvait se tromper aussi. Ah, vous êtes souvent trompé? Oh, je pense pas, je sais pas. Il faudrait demander à mes chefs, mais ils sont plus là. Qu'est-ce qui vous a attiré quand vous avez connu Guy? Ça a été quoi, le coup de foudre? Ça a été, tiens, c'était celui qu'il me fallait? Non. Même pas. C'est venu comme ça. Petit à petit. Ouais, parce que vous le croisiez forcément de temps à autre. On était tellement nombreux, je ne le connaissais pas. Il a fallu que j'arrive à l'équipement pour le connaître. Oui. C'est lui qui a fait le premier pas ou si c'est vous? On l'a fait en même temps. Hein. Vous en rappelez plus? Ouais, vous étiez attiré. On l'a fait en même temps parce que c'est rare de se connaître à un départ à retraite quand même. Ah, vous vous êtes connus à un départ à retraite. D'accord. Oui. C'est rare. C'est ce qu'a souligné notre chef le jour de notre départ à retraite. Il a dit... Je n'avais jamais entendu dire qu'un couple se connaissait à un départ en retraite. Ah ouais, ben voilà, c'est fait. Voilà. Ben maintenant, il dira plus ça. Et ben, oui. J'ai des bons souvenirs au chemin de fer, très bons souvenirs. Eh ben, vous allez nous en raconter quelques-uns. Ben dis donc, vous me prenez de court, là. Mais non. Mais vous avez tout votre temps, on a une heure, là, devant nous, alors on a le temps d'en parler, hein. Non, franchement, là, pour l'instant, oui, bien sûr. Vous me posez une colle. Ça va revenir, ça va revenir. Hein? Moi, j'ai deux ou trois anecdotes. Allez, comme ça. Allez, on est là pour ça. D'être appelé un dimanche après-midi sur le passage à niveau de Saint-Germain-de-Joux, oui. Où je suis arrivé, puis pour une raison, je ne me souviens plus laquelle, les barrières étaient fermées. À l'époque, il n'y avait pas encore l'autoroute. Et le camion italien, qui en a eu marre d'attendre, ben, il a sorti sa caisse à outils. Il a démonté la barrière? Il a démonté les barrières, il les a mises sur le bord de la route avec les boulons. C'est pas vrai. Et il est parti. Et moi, quand je suis arrivé, ben, ça a circulé dans tous les sens, avec le risque d'un train qui pouvait se pointer n'importe comment. Voilà, quelque chose qui peut arriver... Une autre fois avec... Ça peut pas arriver. Je m'excuse, mais en tout cas, ça ne devrait pas arriver. Hein. Il est fou, cet Italien, non? Je sais pas. C'est les gens qui nous ont dit, ah, mais c'est l'Italien, là. Il en a eu marre d'attendre. Ah, ces Italiens. Ah, une autre anecdote dans le même genre. Au passage à niveau de Pougny, qui va sur Chancy. Oui. Un jour de neige... On faisait une tournée avec un gars qui s'appelait Pascal Pillet, qui est décédé malheureusement. Qui est décédé d'un accident du chemin de fer. Ouais. Et puis, quand on faisait le tour, justement la tournée des passages à niveau pour voir si la neige avait abîmé des trucs, et on est tombé sur une deux chevaux qui était arrêtée en plein milieu des voies, et le gars, il était descendu pour nettoyer son pare-brise. Parce que à cet endroit-là, eh bien, il pouvait se garer sans risque. Ah bon? Ouais. Et quand on lui a dit, mais vous savez qu'un train peut arriver, bah, il dit oui, ben, je l'entendrai bien. Voilà, alors, il a fallu qu'on se fâche pour le pousser hors des voies. Ah ben voilà. c'est genre d'anecdote qui peut se passer. Ça n'arriverait plus aujourd'hui, ça. Croyez-vous? Oh, quoi que oui, peut-être. Croyez-vous? Non, mais c'est des drôles d'histoires quand même. Ah, c'est des drôles d'histoires, oui. Mais ça ne peut arriver qu'à la SNCF, ces histoires-là. C'est pas possible d'ailleurs. Je peux vous dire aussi que pendant les périodes de neige, les saleuses, elles passent et elles salent. Mais comme on a un petit courant qui passe dans les rails pour faire fonctionner les passages à niveau... Le sel étant conducteur, ben ça imitait un train. Alors, malgré la neige, il fallait faire venir les pompiers pour arroser la voie, pour nettoyer le sel. C'est des petites anecdotes. Oui, c'est des choses qu'on ignore complètement. C'est vrai que... Voilà. Une autre fois, je suis tombé sur un cheval un peu rétif. Disons que son cavalier n'arrivait pas à faire traverser un passage à niveau. C'était du côté de Chevry, non ? Du côté de Chevry, pardon. Et puis j'ai appris que, avec les fers, le cheval ferré, quand il mettait le pied sur les deux rails, il prenait une décharge électrique minime, mais il prenait une décharge électrique et ça lui servait de leçon. Il ne voulait plus traverser. Il ne voulait plus y aller. Ça aussi, j'ai appris ça comme ça, un jour que je passais. Le principe, je crois que ça s'appelle le passage canadien des bêtes qui sont en alpage. Oui. Le passage canadien. Ouais, c'est des rouleaux en fait. Ouais, et des ils sont rouleaux, un tout petit peu espacés et les bêtes passent dessus et ça. Tout à fait. Dit, elles peuvent pas passer. Elles se font prendre une fois, voilà, mais pas deux. Voilà. C'est un peu le même système alors. Voilà, ah oui, le cheval ferré. Qu'on peut avoir au chemin de fer. Nicole. Les bureaux, c'était une vie. Oui, c'était une vie normale. Oui, non. Simplement, le souvenir que j'ai, quand je suis rentrée, j'avais pas tout à fait 18 ans. Je suis rentrée à midi, je dis à mes parents, oh quelle horreur. Mais il n'y a que des vieux dans ce bureau. Mais ces vieux, ils avaient 42 ans. Ah oui. Eh oui, bien sûr. Ben oui. Maintenant, j'aimerais bien avoir 42 ans. Ils n'étaient pas vieux, mais à mon âge, ils étaient vieux. C'est ce souvenir que j'ai. Mais vous êtes restée, Nicole, quand même un paquet d'années, malgré les vieux. 37 hein. ans. Oui, quand même, oui. Donc vous vous y êtes bien faite. Oui. Et je remercie un chef de gare qui n'est plus là maintenant. À l'époque, je faisais énormément de sport. Et je faisais du basket. Et les matchs, quand il y avait des matchs à Bellegarde, j'aimais bien jouer. Alors, il m'avait aménagé mon temps de travail. Au lieu de faire 7h, midi, 2h, 5h, je faisais 7h, 1h. J'allais vite manger. J'avais la chance d'être chez maman. Je mangeais en une demi-heure. Je revenais une demi-heure. Je faisais mon match. Et après, je revenais. Je restais jusqu'à 7h le soir. J'ai apprécié ce chef de gare qui m'a permis de continuer le sport à Bellegarde. Quand c'était à l'extérieur, bien sûr, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on travaillait un dimanche sur trois. Ah, d'accord. Un dimanche sur trois, oui. Vous étiez en agence en douane. Voilà. Et s'il y avait Noël qui se trouvait le mercredi, ça rapprochait les dimanches. Bien sûr. Mais il m'a toujours permis de pratiquer mon sport, que j'ai trouvé ça très sympa. Alors, le basket, vous l'avez pratiqué dans les années Jean Marinet, Josy Fiorenzano. Une année avec Ginette. Bonjour Ginette, si tu m'écoutes. Eh oui. 15 ans de basket. Quel souvenir vous en avez de Jean Marinet et de Josy Fiorenzano? Un homme formidable. On ne peut pas trouver un homme plus gentil. Il fallait déjà nous supporter, toutes ces femmes, toutes ces gamines, qui n'étaient pas toujours un peu turbulentes. Monsieur Marinet, formidable. Josy Perrin, on avait aussi Guilin, oui. Un grand basketteur. Yvonne Dessem qui nous entraînait. On était bien entourés et je pense qu'on leur rendait parce qu'on est quand même été championne de l'Ain, championne du Lyonnais. C'était beau, hein? Oui. Oui. Et on était fiers, faut le dire. On peut l'être fiers. Voilà, et après j'ai voulu faire du judo, papa n'était pas très d'accord. Et pourquoi vous avez arrêté le basket pour passer au judo? Non, on faisait tout en même temps. Ah, mais tout en même temps, pardon. Moi, j'étais capable de tout faire en même temps. Ah, ben, hey. Donc, alors, basket, judo. Et ça, pourquoi judo? Judo, j'étais pas majeure, donc papa a traîné les pieds pour signer. Eh oui. Et il a quand même signé. Ah, t'es gentil, papa. Et après, où ça s'est aggravé, c'est quand, avec Catherine et Marie-Jo Billon, on a décidé de monter une équipe de rugby. Bon, alors c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, hein? Comme ça, oui, comme ça, pourquoi pas, on ferait du rugby, pourquoi pas. Donc, on a monté l'équipe de rugby, qui s'appelait les Primes Verts. Ah, oh, c'est joli, ça. À l'époque, faisant 40 et quelques kilos, j'étais trois quarts aile droite. Maintenant, je serai dans la mêlée. C'est beaucoup dire, hein, mais bon. Mais malheureusement, j'ai été obligée de tout arrêter suite à Oui, des petits soucis de santé, ça peut arriver. Des soucis de santé, bon. Voilà. D'ailleurs, juste une parenthèse, Nicole, on vous retrouve dans le bouquin du centenaire de l'USBC. Oui. Vous y êtes en photo, hein? Eh oui. Je voudrais juste le signaler parce que c'est... Je suis contente d'avoir pratiqué ce sport. Ça serait maintenant, je ne le ferais pas. Je ferais plutôt du foot. Parce qu'une équipe, des femmes qui font de rugby, c'est dur, pas très, très féminin. Oui, c'est pas très féminin, mais en même temps... On se tirait les cheveux pour se plaquer. Tu m'étonnes. Ah oui. Et on avait mis les maillots de bain une pièce sous les shorts au cas où le short tombe. Ah. Des petites anecdotes, mais c'est sympa. C'est sympa, on a des bons souvenirs. Oui. J'ai des bons souvenirs. Ça a presque été sous forme d'un pari, ce lancement de cette équipe. Allez, si vous êtes capable, qui c'est qui vous a dit ça? Si vous êtes capable de m'amener 15 filles pour faire du rugby, on y va. Alors, ça, c'est pas. On a décidé avec Marie-Jo et Catherine Billon de faire cette équipe au mois de mars. Et on est allé voir monsieur. Guy Gentil. Qui nous a dit c'est une blague, on est bientôt le 1er avril. Non. On a envie d'essayer pour s'amuser. Il nous a dit d'accord. Si samedi vous êtes une quinzaine au terrain de rugby, je monte l'équipe. On était une vingtaine. Il y avait les filles Plonteau, il y avait. Je ne me rappelle plus de son prénom, la fille Atutur Rosio. C'était sympa. Moi, je me suis bien amusée. Et vous avez monté une équipe? Les Primes Verts. Les Primes Verts. À Bellegarde, il y a les Verts, mais nous étions les Primes Verts. Et vous avez fait des résultats match. Ouais, match, tout ça, ouais. Ben oui, le premier match, on n'a pas trop perdu. On a perdu 9-3, c'était quand même honorable pour notre premier match. Contre les Violettes de Bourg, qui jouaient depuis des années, c'était honorable. Oui. Et ils ont battu les records de recettes au terrain. Ce jour-là. Même mon père est venu me voir. Oui, mais c'était peut-être pour lui l'occasion de voir si effectivement vous en sortiez bien, de façon à pouvoir peut-être aller... Et vous savez ce que mon père m'a dit quand j'ai dit que je voulais faire du rugby? Nicole, tu es la honte de la famille. Ça ne fait pas très plaisir. Et vous avez pris ça comment, Nicole? Vous avez dit, merde, là... Ben non, j'avais trop envie de le faire. Donc ça passait au-dessus. Moi, quand je décide de faire quelque chose, Guy peut le dire, je vais jusqu'au bout. C'est bien, c'est que vous avez du caractère. Ah ouais, vous avez un sacré caractère. Même si je suis en tempérament un peu complexé, mais quand je fais quelque chose, je le fais avec plaisir et je fais jusqu'au bout. Ouais, c'est bien d'être déterminé comme ça, puis de faire les choses pour lesquelles on décide de faire. Justement, à ce sujet-là, les choses que vous avez pu faire pendant votre jeunesse, que ce soit dans le sport, que ce soit dans votre vie de couple, c'est quand même des souvenirs qui vous restent et qui sont un peu marquants quand même, malgré tout. Et je pense qu'on a une vie bien remplie. C'est vrai? Oui, qu'on ne s'ennuie pas. 18 ans de retraite, on ne s'est jamais, jamais ennuyé. On a toujours quelque chose à faire ou à dire. Oui, mais ça fait partie peut-être parce que vous êtes impliqués tous les deux dans combien? 5-6 associations quand même? 5 associations. Alors justement, à ce sujet, je voulais dire un grand merci à tous nos amis de toutes nos associations. Les donneurs de sang, l'Amicale des anciens lapidaires, la classe 65, les cheminots VB retraités, les décorés du travail... pour tous les moments conviviaux que nous partageons avec eux au cours de repas ou de balades. Ces associations, elles sont toutes les 5 formidables. Et on y passe de très, très, très bons moments. Et Guy, tu voulais dire merci. Oui, moi, de toute manière, quand j'ai pris ma retraite, j'étais rattrapé pratiquement le lendemain par... Monsieur Morézy, qui était... Maman. Oui, qui s'occupait des restaurants du cœur, et qui m'a embauché de suite, qui m'a dit, pour pas que tu t'ennuies, viens chez nous. J'y suis resté quelques années, puis après j'en suis parti. Et puis il y en a un autre qui m'a attrapé par le col, c'était Jackie Pichon, qui m'a dit, t'es donneur de sang, eh bien, on a besoin de monde, je suis président... Je t'embauche. Et voilà, et ça fait 18 ans que je suis au donneur de sang. presque 150 dons. Ouais. Ça, vous en êtes fier, hein, Guy. Ah oui, ça, je suis assez content de ça. J'ai commencé... J'ai commencé à Fleury, où on était une bande de copains. Un jour, on nous a dit, tiens, vous avez 18 ans, il y a un don du sang à la mairie, dans l'Aude. Il faudrait venir. On y est allé. C'était marrant, parce qu'on se couchait sur des lits de camp genre militaire. On nous mettait un paquet de biscuits sur la poitrine. On avait droit, à l'époque, on avait droit à un stylo. On nous donnait un stylo. On nous donnait, je ne sais pas si vous connaissez ça, une boîte de P4. Oui, c'est les cigarettes. Ouais. C'était des petites boîtes de cigarettes où il y avait 4 cigarettes dedans. On venait d'avoir 18 ans, on était tous heureux. On allait là-bas pour récupérer des cigarettes, un stylo, puis on mangeait un morceau, on buvait un coup, et puis voilà, c'était bien. Et puis après, j'ai continué, et puis voilà, je suis arrivé à 146 dons. J'aurais bien aimé arriver aux 150, mais... La limite d'âge ? Non, un ennui de santé m'a empêché de finir. De continuer ? Voilà, mais autrement... C'est déjà quand même pas mal, hein. 146 dons... Ouais. C'est quoi, c'est deux dons par mois, par an, pardon ? C'est quatre dons par an. Quatre dons par an. Quatre dons par an, mais oui, mais quand on a la grippe, eh ben on ne peut pas y aller. Bien sûr, oui. Quand j'étais à l'armée, je ne suis pas allé. Enfin, il y a eu des fois où je ne suis pas allé pour mille raisons. Mais je suis quand même arrivé à 146 dons. Oui, il y a eu des fois où on m'a refusé parce que pour mille raisons. Dommage, j'aurais bien aimé arriver aux 150, mais bon, mais tant pis. Alors, on fait avec. C'est marrant, Guy, parce que contrairement à Nicole, qui était une sportive pratiquante, j'allais dire à 200%, vous, le sport, n'y êtes pas du tout. Pas du tout sportif. Rien du tout, ouais. Pas du tout. J'ai même, comme j'en ai parlé déjà avec... L'ami Michel, j'ai presque une admiration pour les derniers de cordée. Parce que je trouve que c'est eux qui ont le plus de mérite. Les premiers, il y a toujours quelqu'un pour les aider. Puis ils récupèrent à une allure phénoménale. Tandis que le dernier, c'est le dernier. Il n'y a personne pour l'aider et il faut qu'il finisse. Et souvent, il fait l'effort un quart d'heure ou demi-heure ou 10 minutes ou une heure de plus que les autres. Et j'aimerais bien voir le premier courir une heure de plus pour voir ce que ça donnerait. S'il courait aussi longtemps que le dernier, même en vélo. J'aime bien regarder le Tour de France, mais les premiers, ils ont tout un staff autour d'eux. Le dernier, il se débrouille. C'est un peu vrai ce que vous dites. Et j'ai une grosse admiration justement pour le dernier. Peut-être parce que ça correspondait à moi. ça me correspondait. Mais il a autant de mérite, effectivement. Il a fait tout le parcours. Il a autant de mérite, si ce n'est plus, parce qu'effectivement, il a... Mais comme je dis, plus de mérite dans une... Quand on fait une balade à pied, il y en a toujours un qui traîne derrière. Alors on s'arrête pour l'attendre. Mais pendant qu'on s'arrête, on se repose. Et on l'attend. Et quand il arrive, on dit « Ah bon, mais t'es là, on repart. » On repart. Et lui, il ne se repose pas. Comme il va moins vite et plus doucement, et il a le temps de récupérer. Il a plus de mérite. C'est ma façon de voir les choses. On a bien compris. Hein. Guy, j'aimerais juste qu'on revienne justement à ce don du sang. Vous parliez de Jackie Pichon qui vous a embauché. Est-ce que vos premiers dons, les premières équipes, quand vous avez donné votre sang, on retrouve la même ambiance, le même état d'esprit avec Jacques Pichon? C'est-à-dire quand vous avez commencé à donner votre sang, ce n'était pas à Bellegarde. Non. Là, il y avait une certaine ambiance. Vous avez parlé des P4, vous avez parlé du casse-croûte, des copains. Est-ce que, à la limite, cette banque de copains, on la retrouve ici à Bellegarde avec Jacques? Oui. Ouais. Ah oui, tout à fait. Jacques, c'est un meneur, c'est un battant. Tout à fait. Et on voit les gens qui viennent donner leur sang. Beaucoup viennent en équipe. Enfin, oui. Avec des copains. Ouais. Copains, copines. Il y en a qui viennent seuls, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui les a amenés. Et avec qui ils sont bien. Partout. Après le don du sang, bon, que ce soit don du sang, don de plaquettes ou d'autres choses, il s'assoit à table, il y a un petit casse-croûte. Je trouve que c'est très convivial. Mais il y a peu de... Je remarque qu'il y a peu de gens qui sont seuls. Dans l'ensemble, ils viennent à un, deux, où ils se retrouvent, ils se donnent rendez-vous. Mais c'est parce que ce sont des réguliers, peut-être, les gens qui viennent donner leur sang, on retrouve... Il y a, heureusement qu'il y a des nouveaux, mais c'est souvent les mêmes, non ? Il y a énormément de réguliers, oui. Ouais, ouais. Et il y a un petit volant de gens qui ne reviennent pas et de nouveaux. Mais dans l'ensemble, oui, ce sont tous des réguliers. Puis il y a une équipe sacrément dynamique au don du sang. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Chaque équipe, ils sont fait tout pour qu'il y ait une équipe dynamique. Et je pense qu'on lui rend bien. Hein. Voilà. Si je peux me permettre une toute petite remarque. C'est vrai que quand il y a le moteur, hein, quand il y a la locomotive devant les wagons, ils n'ont pas trop de mal à suivre. Mais je crois qu'on doit rendre hommage à tous les présidents des donneurs de sang qui ont traversé la ville de Bellegarde. Parce que moi, je me souviens, dans ma jeunesse, on va dire, où j'étais aussi un tout petit peu donneur de sang, hein, mais alors un tout petit peu. Je me souviens d'une ambiance, d'une superbe ambiance. Hein. On était au boulot, on avait le droit de sortir pendant une heure pour aller donner notre sang. D'ailleurs, c'était peut-être un peu pour ça qu'on allait donner le sang, pas forcément pour... Mais c'est vrai qu'on a toujours eu une réception et une ambiance. Et ça, malgré le temps qui a passé et malgré les présidents qui se sont succédés. Bah, au début, que j'étais à Bellegarde, c'était Mme Guillemas. Par exemple, oui. Par exemple. Qui a été remplacée par M. Gendre. Gendre, voilà. Mais les premiers temps, on était dans un petit bâtiment qui était en face de la gare. Oui. C'était une maison genre préfabriquée, un truc comme ça. Voilà. J'ai souvenir de ça. J'ai souvenir. Et c'est vrai qu'on doit leur rendre hommage à toutes et à toutes et à tous ceux qui ont participé et qui continuent. D'ailleurs, Jacques qu'on a l'habitude de côtoyer très souvent, hein, nous le dit. Hein, il faut leur rendre hommage parce que il le dit lui-même. Hein, j'ai pas tout le mérite. Il y a ce qui a été fait avant et maintenant on continue. Mais c'est vrai que voilà, c'est des bons moments où on retrouve cette ambiance conviviale et le bien-être de chacun. Nicole, le temps passe. Nous, on aimerait bien savoir ce que vous faites de votre temps libre par rapport justement à ces 5 associations. Hein. Et là, vous avez à un moment donné une tâche qui n'est pas vraiment facile. Mais dans ces 5 associations, nous, on y va... Oui, oui juste pour casser la croûte. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Chaque association a un président. Oui, mais sûr. Nous, on y va en tant que... Camille. Que membre, voilà. On ne fait rien, à part pour les donneurs de sang, mais dans les autres, on ne fait rien. Oui, enfin, vous participez quand même. On participe. Parce qu'autrement, l'association n'existerait pas. Hein, s'il y a pas, il y a beau avoir un président, si c'est pas, comment dirais-je, si la locomotive, elle tire pas les wagons, il y a rien qui fait. Quoi. À part aux donneurs de sang, où on est vraiment impliqué, où on donne à manger et tout, mais dans les autres, on suit. On vous donne à manger, là. Voilà, exactement. Non, ce que je voulais dire... Il n'y a que pour les cheminots retraités, VB, où je suis secrétaire, et c'est moi qui m'occupe d'inviter les gens, de faire des décorations sur les tables. Voilà. Autrement, les autres associations, on nous appelle, on vient, on court, parce qu'on est bien. C'est justement, donc vous m'avez donné un peu l'échange sur ces décorations que vous faites sur les tables, comme vous dites. Vous êtes passé très très très vite là-dessus. En tout cas, vous avez l'habitude, vous, Nicole, de travailler de vos mains. D'ailleurs, Guy aussi, hein, parce que on a vu avec Robert, on a vu ce que vous faites. Cette façon de faire, de créer les choses telles que vous les créez, vous avez trouvé ça comment ? C'est quoi, une passion qui vous vient de... C'est très vieux. Ouais. Quand j'étais gamine, après le brevet, j'ai fait les cours commerciaux parce que j'aurais aimé être décoratrice de vitrine. Mais à l'époque, aller à Lyon à 14 ans, non, j'étais pas mature. C'était pas possible. Donc, j'ai fait les cours commerciaux et j'ai pris des cours de couture, de cuisine, et ça. J'ai toujours aimé le travail manuel. Et alors là, maintenant, c'est une passion. Vous vous éclatez, là. Ah oui. Ah, ouais. Mais, Nicole, vous n'auriez pas pu, un peu plus tard, vous engager et puis reprendre des études pour aller à Lyon, justement? Non, une fois que vous étiez engagée. J'étais engagée, ouais, j'étais au chemin de fer, j'avais des bonnes copines, et mes loisirs, je les faisais à la maison. Ouais. Et on continue tous les deux à le faire à la maison, chacun dans notre petit coin, on se donne des idées. Qu'on trouve sur Internet, beaucoup d'idées sur Internet. Oui, mais il y a les idées, puis après il y a le savoir-faire, parce que ce n'est pas le tout de voir des schémas, des trucs, des vidéos. Il y en a aussi qui font des jolies choses, des choses peut-être plus belles que moi. Je ne suis pas la seule à faire des loisirs. Ouais, mais... Ça vous est jamais venu à l'esprit de faire partie justement de... Je crois qu'il doit y avoir à la Maison de Savoie, me semble-t-il, il y a une association, non, à la Maison de Savoie, où on fait, où on crée des choses et on les revend après. Ça vous a jamais inspiré, ça? Non, je fais des loisirs créatifs à la Marpa. Mercredi qui va venir, je vais faire animer... des loisirs créatifs à la gare de Bellegarde. À la gare? Ouais. Ah ouais. Mais je suis un peu trop timide pour vraiment me mettre en avant. C'est pas une question de se mettre en avant, c'est simplement une question de pratiquer son plaisir. Je trouve que ça fait peut-être un peu prétentieux, je sais pas. Moi, je fais ça dans mon petit coin. Par contre, alors je voudrais faire un coucou particulier à toutes mes mamies et papis de la Marpa, au personnel dévoué et à Catherine, la directrice, pour les journées de loisirs créatifs que j'ai le plaisir d'animer avec elles. C'est un régal. Elles sont super, ces petites mamies. Justement, là, ça tombe bien que vous parliez de la Marpa. On pourrait parler de Saint-Vincent aussi, quand vous allez faire un coucou aux mamies ou aux papis. Mais disons que je vais très souvent à Saint-Vincent, parce que maman est à l'EHPAD de Saint-Vincent, donc j'y vais tous les deux jours. Et je remercie Marie, l'animatrice, qui m'appelle pour faire un loto. Là, je passe un bon moment avec ces petites mamies quand on fait un loto. Je suis sûr d'une chose, moi, c'est que quand vous y allez, que ce soit la Marpa ou Saint-Vincent, vous êtes un vrai rayon de soleil, Nicole. Ah, certains. Il y en a bien d'autres. Certains. Quand on jette un œil, quand vous arrivez, on le voit tout de suite. Merci, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est sincère. Ça me fait plaisir. Elles vous racontent leur malheur quelquefois, leur tristesse, parce que ça arrive, il y a des gens qui sont parfois dans la déprime, parce qu'une maison de retraite, c'est pas forcément joyeux, vous en savez quelque chose, mais Nicole. Je vais dire, Robert, à Saint-Vincent, et même à la Marpa, toutes ces petites mamies, je les ai connues, elles avaient 35 ans. Je vais vous raconter une anecdote. Vous voyez que vous en avez. Un jour, j'arrive à Saint-Vincent, et il y a une dame qui me dit, Nicole, est-ce que tu pourrais venir dans ma chambre? J'ai une anecdote à raconter. C'était Madame Catala, vous avez dû connaître son mari, qui était prof de maths. Ouais. Elle me dit, si tes parents t'ont le raconté, tu m'arrêtes. Je monte dans sa chambre, je m'assois sur son lit, et elle me dit, tu sais Nicole, c'était en 1945. Ton papa est passé devant chez nous, et je lui ai dit, Monsieur Bonnefoy, est-ce que vous pourriez nous vendre le landau de Michel, donc de ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, parce que je suis enceinte et je ne trouve pas de landau. Et mon père lui a répondu, pas de problème, Madame Catala, si ma femme est d'accord, on vous vend le landau. Et elle me dit, ton papa, il est venu 8 jours après, il a dit, on ne vend plus le landau, nous aussi on a fait le deuxième. Donc j'ai réalisé, je trouve que c'est une très belle histoire, mais j'ai réalisé que maman m'a eu à 22 ans et Mme Catala, elle a eu son fils à 24 ans. Donc dans mon souvenir, je l'ai connue, elle avait 30 ans. Je la retrouve à 95 ans. Qu'est-ce que c'est que 65 ans dans une vie? C'est rien. Mais c'est une belle anecdote qui m'a fait énormément plaisir. Et peu de temps après, j'ai rencontré son fils. Puis je lui dis, c'est vous qui avez le même âge que moi? Il me dit oui. Hein? Je lui dis, vous vouliez dormir dans mon landau? Vous ne l'avez pas eu. Elle est pas mal celle-là. Mais c'est une belle anecdote, je trouve. Ouais. Et une fois, je suis arrivée à la Marpa. La première fois que je suis allée à la Marpa, il y a une dame, bonjour Henriette, qui me dit, vous êtes une fille bonne foi. Je dis oui. Elle me reconnaissait, et moi je ne la reconnaissais pas. J'étais vraiment gênée. Puis je lui ai dit, vous me connaissez? Elle me dit, mais oui, quand je suis arrivée à Bellegarde en 1945, vous étiez dans votre poussette. C'est beau tout ça, je trouve. Vous ne trouvez pas? Ah, ouais. C'est des belles histoires. Ouais. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans 20 ans, c'est nous qui serons peut-être là-bas. Oui, bien sûr, on ne peut jamais préjuger et puis prévoir. Et on sera peut-être contente d'avoir des gens comme Guy et moi qui s'occuperont de nous. En même temps, Nicole, quand on parle avec des copains, des gens qu'on connaît, etc., qui de temps en temps vont dans les maisons de retraite, on entend parfois le commentaire « Moi, tu ne me verras jamais dans une maison de retraite. » Parce que c'est insupportable, parce que si, parce que là, parce que c'est triste tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut... On voit des gens, nombre de gens qui disent « Moi, maison de retraite, tu m'en parles pas. » Mais quand vous y avez quelqu'un, vous êtes obligé d'y aller. Oui, C'est pas obligé, non, parce que moi, je suis contente d'aller voir ma maman. C'est pas obligation, c'est un plaisir d'aller la voir. Mais c'est peut-être quand même une obligation. Il faut y aller. Obligation morale, quand même. C'est une obligation morale, je suis tout à fait d'accord. Et je peux vous dire, avant que maman y soit, j'allais des fois voir Madame Abri, qui est une personne qui y est depuis 11 ans. J'y suis allée avant que maman y aille. Parce qu'elles attendent des visites. Il y a des gens qui n'ont personne. Vous êtes très très bien placé pour confirmer ce que je vais dire. Je connais une personne, je suis sûr qu'elle doit, elle doit vous écouter. Marie-Claire, mais j'en dirai pas plus. Marie-Claire, c'est une habituée de l'EHPAD Saint-Vincent. Une femme très gentille. Une femme très gentille, mais je vais dire... Gentille avec les résidents. Ça apporte un petit peu d'eau au moulin que vous évoquez. Hein. C'est vrai que s'il n'y avait pas des gens comme vous, comme Marie-Claire, comme certainement d'autres personnes... Il y en a beaucoup d'autres. Et il y en aura beaucoup. Je ne suis pas la seule. Bien sûr. Mais heureusement, et pour confirmer ce que dit Robert, c'est vrai que... On parle de ces maisons de retraite, de ces EHPAD et de toutes ces choses. Et on se dit, parce qu'aujourd'hui, on est bien portant, on se dit « jamais j'irai là-haut ». Mais on ne sait pas demain ce que sera fait demain, on n'en sait rien. Exactement, je vais vous raconter une histoire. Maman, elle m'avait toujours fait promettre, tu me promets, tu ne me mettras jamais en maison de retraite. Maman, je te promets. Quand 89, avec Guy et moi, après avoir... téléphoné plusieurs fois, sonné à sa porte, elle ne répondait pas. On est allé chercher ses clés, qui étaient chez nous. On l'a trouvée par terre. Un AVC, elle était tombée depuis 4 heures. Donc, hôpital et tout. Elle a fait Saint-Julien, Genève, Annecy, Hauteville. Et en sortant d'Hauteville, on fait quoi, maman? Obligatoirement. Et je lui dis, tu sais, maman, je t'ai promis que je ne te mettrais pas en maison de retraite. Je t'ai promis, je tiens ma promesse. On fait quoi? Je lui dis, je te prends une aide à la maison. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ben non, je vais être obligée d'aller en maison de retraite. C'est elle qui a choisi. C'est elle qui a décidé. C'est elle qui a décidé. Mais vous croyez que vraiment, moi j'y pense souvent, quand je rentre, que je la vois dans sa chambre, que je vois les autres résidents, vous croyez qu'elles ont vraiment choisi d'y aller? Peut-être pas. Non? Non, peut-être pas, mais quelque part... Et nous, est-ce qu'on choisira un jour? Oui, peut-être pas. Oui, on ne sait pas, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Moi, je vous dis, j'avais promis à maman, et maman, elle y est depuis 6 ans. Parce qu'elle l'a décidé. Parce que c'est elle qui l'a dit. Mais vous croyez qu'elle est forcément heureuse, là-haut? Ce n'était pas son choix. Oui, mais peut-être qu'elle a eu un moment de lucidité en se disant, je ne veux pas encombrer mes enfants. Alors je veux moi, pas je encombrer. Lui ai dit, où tu viens? Va chez ma sœur à Saint-Étienne. Mais à Saint-Étienne, elle était dépaysée. Elle n'est pas chez elle. Maman, elle est arrivée à Bellegarde à 19 ans, en 42. Aller à Saint-Étienne, elle perdait tous ses repères. Ouais. Je lui dis, tu viens chez nous. Pas question, je ne vais pas vous embêter, vous n'oserez plus aller au Champignon, vous n'oserez plus... Oui, bien sûr. Mais je suis sûre que toutes les personnes qui sont là-haut sont heureuses parce que je remercie le personnel qui s'occupe très bien d'eux. Mais ce n'est pas leur choix d'avoir été là-bas. Ce n'est pas leur choix. Qu'est-ce qui leur manque le plus à ces personnes quand vous les voyez en maison de retraite? C'est leur maison. Leur maison et surtout... La famille peut-être aussi? Non, moi je pense... Je peux me tromper, mais je pense parce que ça m'arriverait, je ferais pareil, c'est de se faire habillé, changé par des personnes étrangères. Ne plus être autonome. Autonome. Être, ouais. Ouais. Être, ah, ouais. Vous croyez que, franchement, c'est... Vous croyez que la plupart de ces personnes sont des personnes qui vivaient seules, parce qu'elles étaient veuves pour mille raisons. Et elles étaient seules depuis très longtemps. Et du fait de leur handicap, elles se retrouvent à vivre en communauté. Et ça, beaucoup ne l'acceptent pas. Ouais. C'est pas évident pour un homme ou pour une femme de se faire laver, de se faire changer. Je pense que ça doit être dur. Oui, parce que même moi, j'aurai un accident maintenant, ça serait très dur pour moi d'être obligé d'avoir une tierce personne pour s'occuper de moi. Et je pense que ça, un jour, maman, il y a eu, c'est un homme qui lui a fait sa toilette et ça, elle a, ça l'a contrarié. Ouais. C'est pas évident. Moi, je pense que dans ces maisons de retraite, elles sont heureuses, elles mangent bien, il y a des animations. Mais quand elles ne... Comme maman qui ne participe à rien, maman, c'est une solitaire qui ne descend pas. Mais il ne faut pas la forcer. Elle est déjà dans une maison qui n'est pas la sienne au départ. Donc, il faut la laisser vivre sa vie jusqu'à la fin, mais qu'elle soit heureuse jusqu'à la fin, dans son univers à elle, dans ce qu'elle aime. Il ne faut pas les forcer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, Nicole, on peut pas, quand on n'est pas confronté à ce problème, c'est difficile de prendre parti. Moi, je dirais que j'ai un peu d'expérience, j'ai eu un vécu avec ma belle-mère, qui est décédée, elle, à 101 ans, en pleine forme. Elle s'est réveillée un matin, on va dire, avec un AVC, et malheureusement, cet AVC l'a emporté dans les heures qui ont suivi. Donc pour elle, ça a été une belle mort, et elle a passé un moment en maison, dans une EHPAD, où est-ce qu'elle a été heureuse ? On n'en sait rien. On avait beau aller la voir tous les deux ou trois jours, aussi bien ses enfants que... tout le monde, toute la famille, elle n'était jamais seule, il y avait toujours quelqu'un. Mais je veux dire, est-ce qu'elle était heureuse pour autant ? Je n'en sais rien. On n'en sait pas. Je n'en sais rien. C'est difficile à dire et de se mettre à la place. Moi, cet été, avant l'été, je lui ai tout enlevé, ses affaires d'hiver, et je lui ai sorti ses affaires d'été. Mais elle me dit, donc je ne rentre plus chez moi. Ah ouais. Oui, voilà. Donc elle est bien consciente qu'elle est là... Jusqu'à son dernier jour. Jusqu'à son dernier souffle. Et ma mère, c'était une femme qui était très, très active. Mon père, c'était son boulot, elle, son appartement. Qu'elle tapissait, qu'elle faisait l'électricité, qu'elle faisait toutes ses robes. Elle n'a jamais acheté un vêtement de sa vie. Elle faisait tout. Elle changeait les meubles de place. Elle enlevait aussi bien la moquette qu'elle me mettait. Et maman a tenu l'harmonium pendant 60 ans à l'église de Bellegarde. C'était une femme qui était solitaire, mais qui savait tout faire. Quel est le ressenti que vous avez, vous, Nicole, et peut-être vous aussi, Guy, je ne sais pas dans quelle mesure et dans quel moyen vous participez, vous aussi, à l'activité de Nicole dans ses EHPAD, ou dans cette MARPA. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti par rapport à ce que vous pouvez voir et à ce que vous pouvez ressentir au niveau de ces maisons de repos ? Moi, j'y pense souvent, je me dis, et dire que ce sera nous, plus tard, comme ça. Vous pensez à ça ? Oui. C'est pas vous faire mal, Nicole ? C'est pas vous faire mal que de penser à ça ? Ben, il faut s'y habituer, il faut s'y préparer. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'un jour vous accepterez d'y aller ? Justement parce que vous voyez ce qui s'y passe. Est-ce que vous croyez que j'accepterai ? Je serais peut-être obligée d'y accepter. Peut-être que j'irai pas. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Il faut prendre les bons moments quand ils y sont. Et surtout, regarder que les petites joies. Aller aux champignons, ramasser les champignons. Ah. Oh là là, quelle grande joie, quel grand bonheur on a fait aujourd'hui. Il ne faut pas en demander trop. Il faut regarder à sa hauteur, un peu plus bas. Il ne faut jamais regarder en haut. Il y a toujours des gens plus beaux, plus riches, plus intelligents, plus tout. Mais ça sert à quoi d'envier les gens plus... Il faut rester à sa hauteur et voir qu'il y a des gens encore plus malheureux que nous. Et là, on est heureux. Si on a trop d'ambition, si on voit... Mais on ne peut pas être heureux. Il faut voir les petits bonheurs du jour qui font des grands bonheurs. Ce que j'avais marqué, là, je me sens. Ce sont les petits bonheurs qui font parfois les grandes joies. C'est pas vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Il faut savoir se contenter de peu. Oui. J'ai peut-être pas assez d'ambition, peut-être. Non, c'est pas que ne pas être ambitieux, c'est pas ça. C'est être un peu réaliste, quelque part, et puis voir aussi midi à sa porte. Hein. C'est pas forcément être utopiste ou voilà quoi. Quand je parle de la mort pas puis que les petites mémés m'embrassent, me disent oh ben on a passé une bonne après-midi. Ah mais oui. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Vous repartez, vous êtes et je remercie Guy parce que je n'ai pas le permis. Qui chaque fois que je vais à la mort pas, Guy, on monte. Pendant ce temps, il prend un bouquin puis il lit ou il va chez son copain Christian passer l'après-midi. Parce qu'il faut le faire. Il faut m'emmener. Hein. Donc, vous avez pas, vous Guy, vous avez pas, vous n'êtes pas spécialement, j'allais dire, motivé pour apporter cette complémentarité éventuellement à Nicole. Non, mais oui. Mon plaisir, c'est de rendre service. Oui. C'est de me faire plaisir. Oui. C'est ça. Si ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la rage. Mais c'est vrai que c'est... Oui, c'est... C'est ce que j'avais lu une fois à Saint-Vincent, que j'avais trouvé très beau, mais je n'ai pas noté. Le bonheur qu'on a, c'est de voir le bonheur dans celui qui vit avec vous. Un genre comme ça, c'était... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Notre bonheur, c'est voir le bonheur de l'autre. C'est de voir l'autre et de partager ce bonheur aussi avec l'autre. Voilà. Et ça, j'avais vu affiché à Saint-Vincent, et j'avais trouvé vraiment magnifique, cette phrase. Votre bonheur, c'est vous vous levez le matin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait de la neige ou du soleil, je suis debout, j'ai ma tête, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, et j'ai la journée devant moi. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, c'est vivant. Oui. Vous remerciez le bon Dieu. Oui, énormément. Vous allez à la messe. Vous êtes croyante. Vous êtes croyante, oui. Nicole. Je pense. Il y a un doute. Non. Faut savoir remercier. Faut pas toujours demander. C'est pas la question de toujours demander. Quand on est croyant, on a tendance à demander, faites que ci, faites que ça. Mais quand ça se réalise, merci mon Dieu. Pas vrai ? C'est pas simplement un dicton, merci mon Dieu. C'est vrai que souvent on dit merci mon Dieu sans forcément pour autant y croire à 100% et sans pratiquer la religion. Après, on est croyant ou on n'est pas croyant. Hein. Moi, j'ai rien contre les non-croyants. Moi, je suis pareil. Hein. Oui, moi, de toute façon, j'ai été élevé parce que mon père avait une adoration pour la Sainte Vierge. Il avait créé à Bellegarde la prière des hommes à Marie. Oula, et c'est lui. Qu'est-ce que c'est ça ? C'était, il se réunissait une fois par semaine et il priait la Sainte Vierge. Mon père, il avait monté ça. Maman tenait harmonium, j'ai été élevé comme ça. J'aurais été élevé dans une famille qui ne croit pas, je ne croirais pas. Bon, ben là, il faut savoir dire... on peut réclamer, mais il faut savoir dire merci. Est-ce que vous parlez de merci, est-ce que vous auriez tendance à dire merci à ces personnes que vous côtoyez à la Marpa et à l'EHPAD? Est-ce que vous leur dites merci pour... Alors je vais vous raconter une histoire. Je suis un tempérament, bien que je dise beaucoup de bêtises, que... Tout le monde en dit des bêtises. C'est une façade. Parce que je suis énormément complexée. Ouh, ça ne se voit pas. Hein. À la radio, ça ne se voit pas, en tout cas. Je suis énormément complexée. Et un jour, la directrice de la Marpa m'a remerciée pour tout ce que je faisais. Et je lui ai dit, non, c'est moi qui vous remercie. Parce que grâce à vous, j'ai pris confiance en moi. Et je me suis dit, mais en fait, écoute, Nicole, tu n'es pas si con que ça. Voilà, ça résume tout. D'accord. Je m'excuse, j'ai dit un vilain mot. Mais moi aussi. Le complexé par rapport à quoi, je ne comprends pas. C'est trop compliqué à expliquer. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué à expliquer. Ça vient de loin, ça vient de tout. Mais vous n'êtes pas complexé. Écoutez, ça fait une heure, ça fait plus d'une heure qu'on discute, là, et jamais vous avez eu un trou de mémoire ou vous nous avez montré... Alors, vous nous avez montré quelque chose que nous, on peut voir parce qu'on est là en face de vous. Hein. C'est que par moments, vous avez les yeux qui brillent sacrément. Hein. C'est-à-dire que l'émotion doit être forte chez vous. Hein. Surtout quand vous nous parlez de ces personnes âgées... avec lesquels vous passez des bons moments et que vous faites passer de bons moments. Donc, ne dites pas que vous avez des complexes. Dites que vous faites ce que vous avez envie de faire avec les moyens qui vous sont donnés, les moyens que vous avez. Pas grand-chose, quelquefois, mais voilà, vous apportez le sourire et le bonheur à un certain nombre de personnes. Et ça, il faut en être fier, au contraire. Moi, faut pas être complexé par rapport à ça. Rien me fait plaisir, mais rien me fait de la peine. Non, mais alors, ouais. que des choses nous fassent la peine, moi je le comprends aisément. Mais il faut. Que Guy est beaucoup plus décontracté, il me dit mais laisse courir, ça, hein, c'est vrai. Mais c'est un homme, lui. Ouais. Vous avez plus de sensibilité, vous, les femmes. Oh non, il est très sensible. Non, mais je dis, oui, non, mais vous avez plus de sensibilité que les hommes, ouais. Les femmes, en général. Après. Nous, on fait les beaux parce qu'on est genre masculin, donc on est les plus beaux, on est les meilleurs. Mais en définitive, on est aussi un peu sensible, hein, faut pas croire. Hein. Mais je pense que je dois l'étourdir un peu. Ah, vous l'étourdissez? Ah oui. Ah, ben là, il doit aimer ça. Lui, j'ai tout mon temps, je prends mon temps. Ah ben, il doit aimer ça, lui. Mais moi, allez, dépêche, je te fais... Je pense que je l'étourdis, hein. Je dois le stresser. Vous êtes sûrement la locomotive, non? À la maison. Hein, c'est ça, hein, ouais. C'est normal, lui c'est normal, l'électricien. C'est normal, on travaille en chemin de fer. Hey, lui c'est l'électricien. Hein. C'est on est bien d'accord. Hein. Mais en même temps, quand même, Nicole, vous parliez de complexe, bon, ça vient de loin, de très très loin même. Est-ce qu'être complexé, c'est pas quelque part se sentir un peu inférieur par rapport à ceci, par rapport à cela? Ben oui, parce que... Quand on est complexé, c'est que, on voudrait, mais... Elle se croit, mais elle l'est pas. Elle se croit inférieure dans beaucoup de domaines, oui. Alors qu'elle l'est pas. Ah, oui, elle est supérieure. Ah, oui, voilà. J'avais du mal à comprendre tout de suite. Hein. J'ai eu un moment de. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oui, effectivement. Oui. Mais c'est ce que je disais à l'instant. Il y a pas à être complexé. Il y a pas à avoir. Non. Il faut au contraire. Je crois qu'il faut être fier de ce que vous faites. Et je vais vous dire honnêtement, je voulais pas venir aujourd'hui parce que je pensais que ça faisait un petit peu prétentieux de se mettre en avant et tout. Mais vous n'avez pas, vous n'avez pas décidé, vous, de venir. C'est nous qui vous avons invité. Ah oui, vous nous avez invité. Ah, mais c'est pas tout à fait pareil, quand même. Non, pas imposé, invité. Ah oui, invité. Voilà, invité. On vous a rien imposé. Non. Enfin, on a eu la... Enfin, bref. Non, mais comme vous êtes tous les deux des amis, Michel aussi, on pouvait pas vous refuser. Bah, écoutez, c'était impossible. En tout cas, nous, on a été très sensibles de partager... Enfin, le fait que vous ayez décidé... Alors, encore une fois, je le redis, hein, parce que ce matin, on en a parlé avec Robert. Hein. Nous, on a apprécié que vous soyez resté la nuit dans les studios pour pouvoir être de très bonne heure ce matin en place. Hein. C'est-à-dire que vous vous êtes imprégné de l'ambiance qui règne ici et on ne peut qu'en être fiers, nous. Hein. Mais petite confidence, Nicole et Guy, moi, je me suis dit encore hier soir, je me dis, je suis sûr, quasiment sûr, et heureusement, je me suis trompé, qu'ils vont trouver une excuse pour pas venir. Mais j'y pensais hier. Hein. Je dis, s'ils viennent pas, bah tant pis, on dira, bah ils viennent pas, ils ont un petit souci, voilà. Ah ben... Mais j'étais quasiment persuadé que vous alliez trouver une excuse pour dire, ou Guy ou Nicole, on n'y va pas, puis on dit ça. Ah non. Nous, non. Si on a promis quelque chose, on tient. Ah non. Ça a été difficile, mais bon, c'est fait. C'est fait ? C'est fait. Ouais. Je voudrais quand même faire un petit coucou particulier au premier chef que j'ai eu quand je suis arrivé à Bellegarde, qui s'appelait Monsieur Berthias, et qui, d'être mon chef de service, a fait une progression assez fulgurante et assez importante. Et maintenant, il est en retraite à Arlot, je crois que c'est ça, ou à 96 ans, il est toujours là, et je prends plaisir, toujours plaisir, à lui dire bonjour, Monsieur Berthias. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais enfin, C'est un ancien de la 2e DB, il a de multiples décorations, enfin, c'est un homme extraordinaire. Une petite parenthèse, parce que c'était une, parce qu'on a bossé avec Guy, on cherche toujours des infos. Hein. Vous vous rappelez de vos 8 ans, Nicole ? Oui. Je peux vous-même vous raconter une anecdote à 8 ans à Pondin. J'avais une grand-mère, j'ai jamais vu une grand-mère comme ça. C'était... On ne peut pas la décrire. Ma grand-mère, c'était un être exceptionnel. Et un jour, j'étais en vacances, il tenait un magasin, une librairie, imprimerie à Pondin. Et je dis à ma mémé, dis-donc mémé, j'aimerais bien un poussin. C'est ça à quoi je faisais référence, donc, Nicole. Donc, ma grand-mère, qui ne savait pas me refuser, on est allé à Bourg chercher mon Piu-Piu. Il s'appelait Piu-Piu. Et mon Piu-Piu était sur la table. Quand j'écrivais, il béquait mon stylo. Je le mettais dans ma poche, j'allais faire les courses avec mon Piu-Piu. Et quand on est... Il a fallu rentrer à Bellegarde. Mon père m'a dit, Piu-Piu, j'en veux pas. Pas de Piu-Piu. Pas de Piu-Piu. Donc j'ai laissé le Piu-Piu à Pondin, à mes grands-parents, qui avaient un grand jardin. Et j'ai une photo de mon Piu-Piu. Il était beau, il était tout blanc. Il était magnifique, ce Piu-Piu. Et un jour, ma grand-mère m'a écrit, puis elle m'a dit, tu sais, ton Piu-Piu, il était bien bon, on l'a mangé à midi. J'ai jamais tant pleuré de ma vie. C'est Ils ont vrai. Mangé mon Piu-Piu, vous vous rendez compte? Pourquoi ils ne l'ont pas laissé mourir de sa belle mort? Mon Piu-Piu, c'était mon Piu-Piu. Ce n'était pas leur, c'était mon Piu-Piu. Et ça, c'était à l'âge de 8 ans. Ah, ben ça, ouais. J'ai pleuré. Hein. Vous vous rendez faire ça, une enfant de 8 ans, manger son Piu-Piu? Oui, que voulez-vous? C'est ainsi que va la vie, hein. Et c'est ainsi que les gens sont faits. Bonjour à tous. Je suis en train de lire un message qu'on vient de recevoir. On en a reçu plusieurs de messages. Bonjour à tous. Un grand merci à Nicole et Guy qui amènent beaucoup de fraîcheur et d'émotion ce samedi matin. Des cœurs énormes. La bise à tous. Signé Léo. C'est un ami. C'est un ami, Léo Laville, qui habite à Franklin. Il ne loupe pas une émission. Il ne loupe pas une émission. C'est un fidèle de chez fidèle. Et voilà, il aime écouter les gens et s'inspirer des faits et des choses. Voilà, et il vous remercie. Et merci Léo. Merci, parmi d'autres, hein, on ne veut pas tous les lire, mais pour dire que voilà, encore une fois, votre timidité, à mon avis, elle a été aujourd'hui balayée. Et vos actions sont reconnues avec tout le mérite. Ce sont des messages qui arrivent. Ce sont encore des messages qui arrivent. Pardon, c'est Marie-Claire. Oui, bonjour Marie-Claire. Ben Marie-Claire, voilà, ben c'est ce qui s'appelle du directeur. Attends, Marie-Claire, attends, bouge pas, deux petites secondes. Voilà. Vas-y, parle. J'ai pas du tout, hein. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est toute mon admiration qui va à Nicole et à Guy pour ce magnifique témoignage. On sent des gens qui sont profonds, des gens qui aiment les personnes âgées, des gens qui aiment donner de leur temps. Et je trouve ça magnifique. Donc merci à Guy, merci à Nicole, mais merci aussi à toi, Robert et à Guy, pour vos très belles émissions. Et voilà, Nicole. L'appréhension, elle a passé depuis hier soir. Allez, gros, gros bisous à tous. Merci mille fois. Merci Marie-Claire. Merci. Des gens comme nous, il y en a des milliers. On n'est pas les seuls comme ça. Non ? Vous ne trouvez pas ? Pas si sûr. Si, il y en a des milliers de gens comme nous. Des milliers. Voyez que vous avez fait le buzz sur le 91 et sur le 102.5. Hein ? Hein ? Oui. Donc, ça y est, vous pourrez dormir ce soir sur vos deux oreilles. Et alors, attention, hein, maintenant que vous allez rencontrer les gens dans la rue, bonjour. Alors là, ça ne va plus être pareil. Hein. Alors, restez bien à votre place. Hein. Ne regardez pas plus haut, restez bien là. Hein? Oui, Guy. Dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure au sujet des pas doués en sport, il me revient une phrase de mon père qui me disait, il était un petit peu musicien, et il me disait, tu sais, dans un orchestre, tous les musiciens sont capables de faire de la musique. plus ou moins bien. Mais des chefs d'orchestre sans musiciens, ils ne peuvent rien faire. C'est vrai. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté. C'est-à-dire que tout le monde est capable de faire quelque chose de plus ou moins bien. Si on a quelqu'un qui nous encadre, ça peut être très bien. Mais un encadrant qui n'a personne à commander, il ne peut rien faire. C'est comme à l'école. Tu vois, moi, je vais te dire, j'étais première en gymnastique et en couture. Le reste, c'était vraiment le milieu du tableau. Alors, je pense souvent, je ne sais pas si vous connaissez le jeu « Personne n'y avait pensé ». Oui. Et dans le jeu « Personne n'y avait pensé », il faut avoir le plus petit score pour gagner. Si cela avait existé à l'école, j'étais première partout. Vous vivez bien, Bellegarde, pour changer de sujet, façon de parler. Vous êtes impliqué dans beaucoup d'associations. Est-ce que vous vivez bien, Bellegarde? Mais oui, parce qu'on a énormément d'amis. On serait que les deux à Bellegarde, on ne vivrait pas bien, peut-être. Mais là, on sort dans la rue. Moi, l'autre jour, je suis allée chercher le pain en face de chez nous. J'ai mis 3/4 d'heure. Il m'a dit, t'es passé où? Je dis, j'ai vu du monde, j'ai discuté. C'est ça qui fait du bien. C'est de discuter. Ça s'appelle le lien social. Ça fait du bien, ça. On rencontre énormément de gens, on discute, on papote. Hein? Et puis c'est montagne. Et puis c'est montagne. C'est vrai, j'escalade pas, je ne suis pas sportif du tout. Mais qu'est-ce que je prends plaisir à aller sur le plateau du retour? Ah. Ou aller faire un tour à Mandière. Et la limite à descendre aux Pertes. C'est des coins que je trouve fabuleux. Il y a dans la vie, quelquefois, les petites choses qui font des grands plaisirs et qui nous amènent à vivre une vie de couple, comme vous la vivez en tout cas dans cette ambiance qui est la vôtre, hein, mais qui est aussi celle de beaucoup d'autres personnes, en tout cas je l'espère, à Bellegarde, parce que on est une petite ville en définitive, hein, où tout le monde se connaît. Et nous, si vous voulez, avec toute l'équipe de la radio, on est hyper heureux d'avoir des gens comme vous qui avez ces témoignages qui vous prennent un petit peu au cœur et puis qui apportent tout simplement un petit peu de bonheur dans notre vie de tous les jours. Voilà, et on vous en remercie vraiment, vraiment, sincèrement. Et il y a d'autres personnes, bien sûr, qui n'ont peut-être pas appelé ce matin, mais qui ont exactement cette même pensée. On va terminer l'émission parce que moi j'ai une petite soif, puis vous aussi. Et puis je vois que Michel nous regarde d'un air de dire, mais quand c'est qu'ils vont arrêter de causer? Je fais un petit coucou à mon fils qui doit nous écouter beaucoup. Voilà, vous avez le droit. La fin du mot, c'est vous qui le dites? Le mot de la fin. Ils sont en train de discuter, ils sont en train de négocier, je ne sais pas ce qu'ils font. Allez. Non, je disais que le fils de Nicole, qui se défend pas mal au billard, voilà. C'était un joli coucou à lui faire. Oui, c'est vrai. Le mot de la fin, Nicole? Merci à vous tous. Merci pour cet agréable moment passé en votre compagnie. Franchement, on appréhendait, mais on a passé un moment formidable. Et mes excuses à toutes les personnes qu'on aurait pu citer. Que... Bon, il aurait fallu citer tout Bellegarde, hein, pratiquement. On a oublié de citer. Mais on pense à tout le monde. Et on continuera à vous écouter comme on vous écoute, parce que c'est une radio formidable. Merci, ça nous touche. Merci, Nicole. Merci, Guy. Merci Nicole, merci Guy, merci Guy. Ludo aussi qui était aux manettes. On va terminer, et Michel qui est venu nous rejoindre, qu'on va retrouver dimanche, bien sûr, à 9h comme d'habitude. Et puis on va finir avec cette chanson que vous aimez tous les deux particulièrement. Daniel Guichard, une chanson extrêmement touchante qui s'appelle Mon Vieux. Oui. Et cette émission sera rediffusée dimanche prochain. Pas demain, hein, dimanche. Dans une semaine, et qu'on va retrouver en streaming. Oui. Sur le site de la radio. Donc on va pouvoir écouter, réécouter, réécouter, encore réécouter. Avec mille bonheurs. Allez, c'est parti pour Daniel Guichard. Très très bon week-end à vous tous. Merci.